veux des euros, dollars, sterling comme si j'étais Justin Bieber. Bitch, si tu te sens du père, et ton petit, il te livre comme Uber. J'ai pris que je suis dans le movie, donc je suis un homme en scène goofy. Grenade paralysante sur eux, je découpie, elle me fait la star, mais je sais que c'est une groupie. Et quand j'arrive, comme des types, ils s'excitent. Je suis passé du post au textile, donc va falloir que je m'extire. Un peu comme le UK Brexit, ici ça rôde à fond, ici ça shoot sans sommation. On fait confiance au neuf, parce que lui n'aura jamais son occasion. Je smoke là, Zaza sans filtre, Kumpoani c'est la banquise. Je suis dans le film bitch, que des kill bitch, j'écris mes punchs en tease. La lame casse si tu l'aiguises trop, je veux la SSMA au bispo. Je suis à 200 dans l'Audisport, chaque son qu'on fait qu'on sort, il score. 2-2 central si, casque intégral anthracite. Chaud comme Centrafrique, on blesse, oublie pas tes antalgiques. The chain and pendant over a kilo, off the market, the rollies retail. In the trap I countless sleepless nights, we ain't losing sleep over female. Peine arrivé, mes vies dans, tu sais que 2-2 n'est pas dans le détail. Genre mon calibre, la poche arrière, j'ai fait tous courir comme du bétail. I don't think the intention's pure, I'm watching my brethren close. These girls on a fuck of course, shout out Rhea, I think she a real one. I fucked on YG's bedroom floor. Thank God that I finally made it, boy I was broke as fuck. So I broke the law, got high as fuck and it opened my mind. I sobered up and I'm open more. Taking a pick and I throw up, live yours. Don't try be me and live mine, it's fine. And say it outside when bro you're indoors. Right now it's my run, but as soon as I'm done I'm giving my bro the torch. I made my name off a rap, but it's the trap that my bro never known for. F dot get paid off of phone calls. Had a £1 million meeting and the G's though came and we're dressed in formal. London property price too high, so I'm feeling to go and invest in Cornwall. Invest in a ding, I don't wanna be cramped in a back, so it's best this four door. Ain't got Bluetooth, but it got old school. Bro got cash only, no sort code. I'm thinking of her when I fuck them hoes. Now I'm asking my bro, is that normal? I'm thinking of her, it's the thought that count. 2-2 central C, casque intégral anthracite. Chaud comme Centrafrique, on blesse, oublie pas tes antalgiques. The chain and pendant over a kilo, off the market, the rollies retail. In the trap I countless sleepless nights, we ain't losing sleep over female. Peine arrivé, mes vies dansent, tu sais que 2-2 n'est pas dans le détail. Genre mon calibre, la poche arrière, je les fais tous courir comme du bétail. I don't think the intention's pure, I'm watching my brethren close. These girls on a fuck of course, shout out Rhea, I think she a real one. I fucked on YG's bedroom floor.